La cérémonie pour le repos de l'âme des victimes coréennes qui ont été réquisitionnées de force par l'impérialisme japonais a eu lieu devant la stèle funèbre pour les réquisitionnés coréens dans la ville de Goriyama du département d'Okushima du Japon le 6 août sous les auspices de la direction de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Songyeon, pour le département d'Okushima et de l'Assemblée du département d'Okushima pour l'amitié nippo-coréenne. Les permanents de la Songyeon, les compatriotes et les élèves, les membres des formations japonaises du département y ont participé.